Mais d'abord, on parle avec Raymond Poirier, notre chroniqueur des affaires numériques. Bonjour Raymond. Bonjour. Alors, tu nous parles aujourd'hui de personnalisation et de catégorisation. De quoi il est question? Exactement. Mais en fait, catégorisation, c'est peut-être vers là qu'on s'en va en lien avec le web. On a beaucoup parlé de personnalisation au fil des dernières années et je suis tombé sur quelques réflexions en farfouillant sur Internet qui disaient, ben finalement, est-ce qu'on est vraiment à l'étape où on a personnalisé nos approches, nos fréquentations à travers les médias sociaux, ou est-ce qu'on n'a pas plutôt été simplement catégoriser. Donc, pour recontextualiser, dans le fond, l'idée de personnalisation, c'est une expérience qui est individuelle sur le web, sur Facebook, par exemple, sur YouTube ou ailleurs. Donc, en fonction des choix qu'on fait, en fonction des préférences qu'on a, en fonction des réactions qu'on enregistre à des statuts d'autres personnes, les émotions, les j'aime et le reste. Donc, à l'accumulation d'un peu tout ça, en plus d'autres informations qui sont partagées sur les autres plateformes de ces entreprises, donc, par exemple, Google possédant YouTube, eh bien évidemment, l'objet de mes recherches peut aussi influencer les vidéos, pourrait aussi influencer les vidéos qui me sont proposées. En partage d'informations, ben si je m'enregistre via Facebook sur une plateforme X, ben c'est de l'information qui est également partagée. Si je vais magasiner un voyage à partir de mon profil Facebook, ben évidemment, je vais avoir des informations en lien avec le voyage que je veux faire ou que j'ai magasiné dans les publicités par la suite. Donc, il y a donc une espèce de partage d'informations qui se fait en plus de l'information que je donne déjà à la plateforme. Et donc, techniquement, tout ça était dans l'idée d'éventuellement pouvoir nous amener avec une expérience qui est de plus en plus personnelle, individuelle. Donc, en disant, ben voici, Raymond Poirier aime telle chose, il a fait des recherches sur tel sujet, donc on va essayer de lui proposer des contenus un peu dans ce cadre-là, dans ce type-là. Autrement dit, les résultats de recherche sont conditionnés par les recherches qu'on a fait auparavant? Normalement. En fait, c'est ce qu'on nous a promis un peu, c'est l'Eldorado, si on peut dire, de la personnalisation, où techniquement le web social aurait dû ou devrait peut-être éventuellement réussir à en arriver là. Sauf que on a l'impression, quand on regarde ce qui est partagé, ce qui nous est partagé, bon, évidemment, on parle beaucoup de chambres d'écho sur Facebook, sur le fait que on a toujours un peu tendance à réagir aux sujets qui sont de la même opinion que nous, à avoir des amis qui sont peut-être un peu de la même opinion que nous aussi, donc il y a accentué cet effet-là. Donc, nonobstant notre choix d'amis qui vient évidemment influencer la nature des sujets dont qui nous seront accessibles. Mais donc, il y a de plus en plus de gens qui semblent avoir l'impression qu'on a choisi de s'arrêter pour l'instant à la simple catégorisation. Donc, en disant, ben voici, je suis un jeune homme de tel âge à tel âge, j'ai ou non des enfants, j'aime de tel type. Donc, d'aller plutôt nous mettre dans une case, essayer de trouver la case à laquelle on correspond le mieux. Et à partir de cette case-là, ben nous pousser des informations, des publicités et le reste. Et plutôt que de nous offrir un contenu qui est plus personnalisé, eh bien, nous offrir plutôt le contenu du plus grand nombre. Donc, qu'est-ce qui, parmi mes amis, fait le plus réagir? Eh bien, c'est ce que j'ai à voir dans mon fil d'actualité. Qu'est-ce qui, parmi mes contacts YouTube, ou en général, parmi les usagers YouTube, a été le plus vu, le plus regardé? C'est ce qu'on va essayer de me pousser aussi dans les suggestions ou dans certaines sous-sections. Donc, ce qui fait qu'on a peut-être moins une expérience, justement, qui est personnelle, mais qu'on a l'illusion d'une apparence personnelle qui, alors, serait plutôt l'expérience du plus grand nombre, finalement. Donc, parce qu'il n'y a rien de spécial à me pousser les expériences et les sujets qui ont le plus fait réagir mes amis, somme toute. Ça reste, dans le fond, la catégorie du plus populaire. Il n'y a pas de personnalisation là-dedans, au-delà de la personnalisation que j'en ai faite. Mais cette connaissance-là, si vous voulez, des traits particuliers des recherches, par exemple, des gens, des individus, est-ce que c'est pas un peu inquiétant, ça, de se sentir anticipé, en quelque sorte, sur les démarches Internet? Bien, en fait, ça dépend toujours, évidemment, du type d'expérience qu'on souhaite vivre. Il y a toujours, effectivement, ce spectre de la surveillance, un spectre qui, selon les commentateurs que j'ai lus, devient accentué par le fait que, finalement, on n'utilise pas vraiment l'information qui est fournie ou qu'on essaie de puiser. Donc, cet or noir n'a pas, pour l'instant, les effets escomptés. Évidemment, il y a une préoccupation parce que ça reste, justement, des données qui sont partagées, avec des grandes entreprises qui vont l'utiliser ensuite pour nous catégoriser pour d'abord et avant tout des raisons marketing. Donc évidemment, ça engendre beaucoup de débats et ça depuis le départ, dans le fond, où on a commencé à investir massivement, si on peut dire, ces plateformes-là. Et ce qui est encore plus un enjeu, ce qui est en parallèle peut-être un enjeu en lien avec ça, c'est qu'on ne sait pas non plus de quelle manière l'algorithme nous départage. Et ça va amener certaines organisations, certains mouvements à demander justement une certaine ouverture du code. Donc, on en a beaucoup parlé dans la crise des fausses nouvelles, où on ne comprenait pas qu'est-ce qui faisait qu'une nouvelle était partagée ou non. Donc, quels étaient les critères derrière justement les algorithmes qui avaient été montés pour justifier le partage? À cela, dans les débats que j'ai lus sur la personnalisation versus la catégorisation, on semble nous dire, ben oui, mais si on nous catégorise, on ne sait pas non plus dans quelle logique. Donc, quels sont les critères qui nous amènent à être poussés dans telle catégorie? Et à la limite, quelles sont les catégories existantes? Parce que, peut-être de manière personnelle, mais on serait peut-être capable de mieux catégoriser nos intérêts que la machine elle-même si on avait accès à la catégorisation. Peut-être. Donc, c'est un peu l'enjeu de cette zone de gris-là où finalement, on sait qu'il y a des algorithmes, on sait qu'il y a une certaine analyse ou surveillance, bon, appelons-la comme on veut, mais on ne sait pas comment elle fonctionne, on ne sait pas quels sont les critères sur lesquels elle est basée, on ne sait pas de quelle manière elle effectue les choix qu'elle fait. On en a quelques grandes lignes, mais le fond des choses n'est pas disponible. Et donc, tant qu'il y a cette zone de gris-là, évidemment qu'il va y avoir une méfiance. C'est parfaitement normal. Donc, comment réussir à briser un peu cette méfiance-là? Les textes disent, ben, d'un côté, peut-être, arrêtons de prétendre pour l'instant à la personnalisation. On a une expérience individuelle, mais collective, si on peut dire, donc qui est la même pour tous. Quand Facebook m'envoie mon petit anniversaire, ben, il fait la même chose avec tous les usagers. C'est normalisé. Il m'envoie les choses les plus populaires, comme il fait pour tous mes amis. S'il y a un sujet qui fait beaucoup réagir, même si je décide d'ignorer ou de masquer la publication d'un ami, elle va apparaître dans la publication d'un autre ami. Donc, on n'est pas dans la personnalisation d'à grande échelle pour l'instant. Donc, arrêtons de prétendre. Expliquons plutôt comment fonctionne la catégorisation qu'on a choisi de mettre de l'avant. Et si éventuellement, avec d'autres systèmes, d'autres outils, exemple l'intelligence artificielle, on en arrive à réaliser cette promesse de l'individualisation, de la personnalisation, voire même à outrance, peut-être, comme on l'a créé dans l'imaginaire collectif avec des films comme Jarvis, en fait, des Avengers, comme Her, dans le film où Siri essentiellement devenait une relation intime qu'on pouvait avoir, ce qui n'est pas du tout le cas présentement, évidemment. Donc, si on en arrive à ce point-là, on pourra en rediscuter, mais il y a encore loin à faire. Donc, de quelle manière on peut vraiment essayer d'expliquer aussi aux gens l'expérience qu'on veut leur faire vivre sans leur vendre une expérience qu'on n'est pas nécessairement en mesure présentement de leur faire vivre? C'est pas nécessairement le cas là, présentement. Là. On a plus l'impression que c'est une personnalisation catégorisation ouais. Intérêt marketing. Là. Oui, ben, on fait une catégorisation assez large, dans le fond, pour essayer de nous pousser des sujets, des éléments ou autres, en fonction, évidemment, d'une multitude de critères. Comme je le disais, donc, il y a quand même une bonne communication entre les plateformes les unes avec les autres, donc selon les propriétaires des différents engins, des différents outils. Mais effectivement, l'enjeu, c'est qu'on a l'impression que c'est peut-être un peu plus que ça aussi. Mais parallèlement, ça ne veut pas dire non plus que parce que ce n'est pas plus que ça, que les données ne sont pas recueillies à quelque part, évidemment. Donc, la machine apprend. Peut-être qu'éventuellement, la machine ou les algorithmes, les intelligences artificielles de YouTube lui ont appris que c'était peut-être plus payant justement d'aller vers le plus grand nombre plutôt qu'une un contenu qui était hyper personnalisé. Donc, à un moment donné, il y a eu des analyses aussi qui ont orienté les choix des entreprises. Et quand on regarde justement les évolutions des dernières années, que ce soit sur Facebook, sur YouTube ou ailleurs, eh bien, on voit que ça tend peut-être justement un peu moins à cette vague de personnalisation qu'on avait avancée il y a déjà quelques années, où à un moment donné, on avait l'impression qu'on s'en allait peut-être un peu vers ça. Et là, oups, tranquillement, on a pris un autre chemin qui est peut-être justement plus payant, qui rapporte un peu plus et qui y va vers justement la popularité, comme c'est le cas dans à peu près tous les autres médiums, finalement. Mm-hmm. Donc, il n'y a plus rien qui va venir éventuellement distinguer l'offre numérique en termes d'organisation versus la mesure et la popularité qu'on a déjà dans la plupart des grandes chaînes, finalement. Qu'est-ce que tu suggères comme lecture là, pour poursuivre la réflexion concernant l'évolution des algorithmes de personnalisation? En fait, il y a un très intéressant article sur Internet, actu.net, qui s'appelle justement « Comment nous passer de la personnalisation », qui fait un peu l'état des lieux des réflexions que je vous ai présentées brièvement ce matin. Je pense que ça reste assez inspirant. Et l'idée, ben, en fait, pour nous tous et toutes, c'est peut-être de rester conscient peut-être de l'évolution des moteurs des moteurs d'analyse, si on peut dire, qui sont présents sur les plateformes qu'on utilise. Donc, de garder conscient qu'il y a une catégorisation qui est faite, de garder conscience que nos informations sont quand même, je dirais pas surveillées, mais analysées en cours de route, de garder conscience que les choix qui nous sont faits sont ceux les plus populaires, et le reste, donc d'essayer de rester critique, si on peut dire, envers le contenu qui nous est proposé et envers les raisons pour lesquelles ce contenu-là est proposé. Et après ça, éventuellement, ben, tout un chacun, on peut aller creuser justement pour aller voir de quelle manière sont organisés ou qu'est-ce qu'on en connaît de ces algorithmes-là. Donc, essayer de se renseigner nous-mêmes, puisque les plateformes ne sont pas nécessairement les premières qui vont nous transmettre et nous expliquer l'information sur l'évolution de leur contenu, l'évolution de la manière par laquelle ils nous partagent, ils nous proposent ce contenu-là. Ils risquent en effet d'être les dernières à nous l'expliquer. Hein? Probablement. Bon, merci beaucoup, Raymond. Fait plaisir. Raymond Poirier à la chronique des affaires numériques.